laisser parler, yo. Dans les bestiaux, vont se calmer, yo. J'fais que me marrer, j'fais que me marrer, yo. Sur le rhum, t'es jamais, j'les voyais, yo. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'crois en Dieu, moi j'ai pas besoin de goma. Au pire des cas, si y'a haja, ça sort le oulala. Les capous n'assument pas, font les poulala. Pas les couilles de ski, très sans voir les soulala. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. J'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, c'est bon. J'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, c'est bon. Ce laïla, ce laïla, ce laïla, ce laïla, ce laïla, c'est bon. Ce laïla, ce laïla, ouai, ouai, ouai, ouai, ouai, ouai. La musique ou le barrio, barrio. J'sais même plus ce qu'elle peut danser, yeah, yeah. La musique ou le barrio, barrio. J'sais même plus ce qu'elle peut danser, yeah, yeah. J'décris la vérité, dégoûté, dégoût de bélier. J'la kiffe en Jamaïque, sous le ciel, bleu en février. La mifa s'organise, on a le flow, on y est. T'auras pas où on y est, on a le flow, on y est. Motivé par les mères, mon destin nous est prodigué. Obligé de continuer, faut des fous, c'est compliqué. J'suis venu profiter, au pire des cas, j'suis brodigué. J'suis venu profiter, au pire des cas, j'suis brodigué. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. J'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, c'est bon. J'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, c'est bon. Ce laïla, ce laïla, ce laïla, ce laïla, ce laïla, c'est bon. Ce laïla, ce laïla, ouais, ouais, ouais, ouais. Ils viennent briser, au final on brille. La roue a tourné, le game a vrillé. J'garde le sourire et l'alias de billet. Billet, billet. Ils viennent briser, au final on brille. La roue a tourné, le game a vrillé. J'garde le sourire et l'alias de billet. Billet, billet. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. Laissez-moi mourir pour ma familia, familia, familia, familia, c'est bon. J'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla, j'arrive pour être ce laïla.